Au terme de leur séjour à Toulon, des bâtiments de l'US Navy s'apprêtent à appareiller. Du navire amiral, la musique de la 6e flotte interprète la célèbre marche américaine « Levons les ancres ».